Nous avons soif de toi. Nous soupirons après toi. Nos cœurs ont soif de toi. Mon âme soupire après toi. L'ancien des jours. Le Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu éternel. Le Dieu infini. Le rocher des âges. Le roi des rois. Celui qui domine. Celui qui appelle à l'existence. Celui qui jette les bases de l'univers. Celui qui jette les bases de notre existence. Celui qui conçoit l'homme. Et qui engendre l'existence. Qui engendre l'homme. Qui engendre ma présence à ces lieux. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, parle à nos cœurs. Nous avons soif de toi. Laisse-toi trouver. Laisse-toi accéder. Et accède toi-même à nous. Facilite-nous la tâche de te connaître. Ouvre notre esprit. Afin que nous comprenions les Écritures. Et par les Écritures, viens et remplis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut accueillir deux ou trois personnes et dire... Karibu au grâce Zesondab 2019 finissant. Kuna mtu ambaye anaweza kuwakaribisha watu mbili au matatu awaambie karibu kwa mkutano wa neema isiyo na kipimo 2019 ambao unafikia kwenye mwisho. Karibu. Karibu. Et je vous accueille au nom de Jésus. Na mimi nawapokea kwa jina la Yesu. Dans la présence du grand roi. Ndani ya uwepo wa mfalme mkubwa. Parce qu'il est au milieu de nous. Maana iko ndani yetu. Notre Dieu. Mungu wetu. Qui peut nous donner un Dieu comme celui-ci? Takushukuru namuna ganye. Nitakushukuru namuna ganye. Nitakushukuru namuna ganye. Ningependa niwaambie jambo moja la muhimu. Baba, père, signifie inamaanisha source, chemchem. Baba signifie pas un monsieur qui a des barbes et qui a une grosse voix. Père, Baba hayamanishi ule bwana ambaye anakuwa na mandevu na anakuwa na sauti nguvu. La source. Lakini Baba inamaanisha chemchem. Baba wangu mie. Baba namuna kaniwe. Mon père, ma source, qu'est-ce que je peux te donner? Tout vient de toi. Yote inatokea kwako. Y compris moi-même. Hata mimi mwenyewe. Moi-même, tu m'as engendré. Mimi mwenyewe ulinizaa. Si je me donne moi-même à toi, mimi mwenyewe nikijitoa kwako, c'est que je me retourne à toi. Nikusema najirudisha tu kwako. Je retourne d'où je suis venu. Narudia mahali nilipotokea. Vous voyez? Mnaona? Et qu'est-ce que j'ai? Na nini ninayo? Que Baba n'a pas donné. Ambayo Baba hakunipa. Et quand je donne à Dieu, na ninapompatia Mungu, en fait je retourne à Dieu ce qui est venu de là. Niko namrudishia Mungu iliyotokea kwake. On devrait être très libéral envers na Dieu. Tungepasa kuwa watu wa kupana sana kwa Mungu. Parce que nous venons de là. Sababu tunatokea huko. Naweza kumrudishia sauti yangu. Je peux lui retourner ma voix. Et si mon corps sait danser, je peux lui retourner dans une danse. Na kama mwili wangu najua kucheza, naweza kumrudisha lui. Sababu yote imetoka kwa yeye. C'est lui ma source. Yeye ndiye chemchemu yangu. Namuna gani baba wangu mie. Baba namuna gani we. Baba wangu ye. Owe owe namuna gani. Baba wangu mie. Baba namuna kaniwe. Baba wa milele. Owe owe namuna kaniwe. Mena regarde. Sasa tazama. Comme il est Baba. This is yeye ni Baba. Ça veut dire. Inamaanisha. Même les choses que je n'ai pas. Hata mambo ambayo sina. C'est encore lui la source en question. Yeye ndiye chemchemu ya mambo hayo. Qu'est-ce que je manque? Nini ninayokosewa naye? Je vais chercher dans quelle source? Nitatafuta ndani ya chemchemu gani? L'Éternel dit à Israël. Bwana Mungu akawaambia Israel. Vous avez abandonné votre source d'eau vive. Moi qui suis votre source d'eau vive. Mumeniachilia mimi niliye chemchemu ya maji. Allez vers des citernes crevassées. Ili muende visima qui ne retiennent pas l'eau. Ambavyo havishikilie maji. Vous êtes allés dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors que moi qui suis votre source, je suis là. Vous avez manqué quoi chez moi? Où allez-vous confier aux idoles? Owe owe namuna ganiwe. Owe owe namuna ganiwe. Owe owe namuna ganiwe. Owe owe namuna ganiwe. Owe owe namuna ganiwe. Baba wangu mie. Owe owe namuna ganiwe. Oh, owe owe namuna ganiwe. Baba wangu mie. Owe owe namuna ganiwe. Nikupe nini Yesu? Owe owe namuna ganiwe. Oh, owe owe namuna ganiwe. Owe namuna ganiwe. de pères? Unahitaji uwe na wababa ngapi? Moi je veux un seul. Mimi nahitaji baba moja. On l'appelle Yahweh. Wanamuita Yahweh. On l'appelle l'ancien des jours. Wanamuita zamani wa siku. On l'appelle Alpha Omega. Wanamuita mwanzo na mwisho. On l'appelle Almighty God. Wanamuita Mungu mwenye uwezo wote. Dieu tout puissant. Mungu mwenyezi. On l'appelle Dieu suprême. Wanamuita Mungu aliye juu. Mais aussi on l'appelle Dieu est amour. Wanamuita Mungu wa upendo. Dans sa personne. Ndani ya utu wake. Par sa personne. Kupitia utu wake. Nous accédons à son cœur. Et c'est là-bas nani huko qu'est sorti l'amour. Ambamo mulitoka upendo. Car Dieu a tant aimé le monde. Mana Mungu alivyo upenda il sana a donné ulimwengu son fils. Akamtoa mwana wake wa pekee. Dieu a aimé. Mungu alipenda. Il a donné quoi? Nakapana nini? Fils. Akapana mwana. Le fils. Mwana. Est l'expression anakuwa, de l'amour. Anaonyesha mapendo. Et l'amour, na upendo huo, c'est la facette de la personne de Dieu. Inakuwa mojawapo wa uso wa utu wa Mungu. Par laquelle, kupitia ile, la création a l'avantage de venir se brancher. Ina faida ya kukuja na kutegemea Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Que Dieu aide quelqu'un ce Mungu soir msaidie mtu jioni ya leo à comprendre ces mystères. Aelewe siri hii. Nous voulons partager sur ça. Tunatamani kuzungumzia hii. Alléluia. Amen. On veut partager sur tunatamani ça. Kuzungumzia hiyo. Pouvez-vous asseoir? Unaweza kuketi. On peut acclamer le Seigneur. Unaweza kumshangilia Bwana. Et crier Alléluia. Les saluts. La gloire. Na et la puissance. Ni vya Mungu wetu. On peut faire ça mieux. Tunaweza kuifanya vizuri. Vous voyez, est-ce qu'il mérite comme ça? Je anastahili kabisa hivyo. C'est Dieu là. Ule Mungu kabisa. Il mérite juste ça, ce qu'on vient de faire. Tu ile ambao umefanya. Alléluia! Les saluts! La gloire! Utukufu! Et la puissance! Sont ni vya Mungu wetu. Un peu plus fort que ça. Zaidi ya hiyo. Alléluia! Les saluts! Utukufu na uwezo ni vya Mungu wetu. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on va partager sur Ephésiens chapitre 3, verset 14 à 21, Ephésiens chapitre 1, verset 16 à 22. Leo tazungumzia kitabu cha Efeso 3:14 hadi 21 na 1:16 hadi 22. Revenons un peu à notre devoir à domicile. Est-ce que chacun a écrit les vœux, ses vœux pour 2020. Na turudi kwenye kazi ambayo tuliwapatia kufanya nyumbani. Je, kila mtu aliandika mahitaji yake kwa ajili ya mwaka wa 2020? Pour 2020. Kuna ambaye alishaandika hitaji zake za mwaka ujao? Levez-vous. Msimame. Okay. Comme qui n'a pas encore écrit? Nani ambaye hajaandika? Qu'est-ce qui manque? Un bic, un nini papier. Unakosewa na nini? Kalamu ama makartasi? Je peux vous prêter un bic? Naweza kuwalazima kalamu? Est-ce que vous avez du papier? Vous pouvez écrire maintenant? Je muna kartasi unaweza kuandika sasa? Parce qu'à la fin de ce culte, nous voulons prier pour ces choses. Sababu mwisho wa ibada hii tutaombea mambo haya. Asseyez-vous. Unaweza kuketi. Vous voulez écrire maintenant ou bien on parle déjà, on avance avec le message? Unatamani kuandika sasa ama tuendelee kwanza? Vous écrivez d'abord. Unaandika kwanza? Tunaona sina tuomba ka discipline hata kadogo. Tukwe na faa beba na tuambia. Eba ndugu. Bwana sifiwe. Amen. Alors je vous donne 5 minutes. Inawapa dakika 5. Et comme il y en a aussi à la chorale qui n'ont pas encore écrit, Nanjisi kwa yanao hawajaandika, mettez-nous quelque chose à sourdine. Et toi qui avais déjà écrit, tu peux repasser ça et voir ce que tu as oublié. Na wewe ambao umeshaandika tayari unaweza kuangalia tena na uangalie nini ulisahau. Qu'est-ce que tu as oublié? Nini ambayo umesahau? Cinq minutes va finir. Dakika tano zinakaribia kuisha. C'est prêt? Et tayari? On est prêt? Tuko tayari. Merci. Asante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous prenons la parole de Dieu, Ephésiens chapitre 3, versets 14 à 22. Tunachukua neno la Mungu wa Efeso 3, 14 hadi 22. Hadi 21. Et nous nous levons pour lire, s'il vous plaît. Na tunasimama sote kwa ajili ya kusoma tafadhali. Levons-nous pour lire. Tusimame kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Avec courage. Pamoja na bidii. Nous lisons. Tunasoma. 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce texte est extrêmement riche. Andiko hili linajaa utajiri. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et utaweka, dire, nisaidie. Utaweka moyo wako, mkono wako kwenye moyo wako. Prie le Seigneur pour ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, dis, Seigneur aide-moi. Utanisema Bwana nisaidie. Prions une minute. Tuombe dakika moja. Seigneur, je veux comprendre ta parole. Bwana nahitaji nielewe neno lako. Et je voudrais que, oh Dieu, tu accèdes à mon cœur. Na ningependa, eh Mungu, par ta parole. Wangu, kupitia neno lako. Car sans toi, je ne peux rien faire. Bila wewe, siwezi kitu, je baba. Suis limité dans mon entendement. Nazuilika ndani, je suis limité dans mon esprit. Mon Dieu, Mungu wangu, ouvre mon cœur afin que wangu, je comprenne les Écritures. Maandiko. Ce soir, leo, je suis prêt. Niko tayari. Je suis prêt Niko tayari pour ta plénitude. Kwa ajili ya kujazwa na wewe. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, je fais petit saut en arrière. Ninarudi nyuma kidogo. Montrez-nous les deux slides. Mnaweza kutuonyesha vibao mbili. Dieu, juu ya Mungu. La gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. Et pour na kwa ajili la gloire dans la vie de l'homme. Utukufu wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Nous avons vu. Tumeona ya kwamba tout ceci, mettez tout à la fois. Munaweza kuweka yote. Nous avons vu tout ceci. Tumeona hii yote. Comme l'expression de la gloire de Dieu. Kama vile kuonekana kwa utukufu wa Mungu. Gloire utukufu que Dieu désire. Ambayo Mungu anahitaji. Faire participer sa créature humaine. Awashirikishe wale waumba waumbaji wake. Nous avons vu, je crois, au tournant décisif, je vous ai partagé sur ce texte. Dit, et nous a rendu participants de Christ. Ametufanya kuwa washiriki wa Kristo. Participants de Christ. Washiriki wa Kristo. C'est-à-dire nous prenons part à Christ. Ni kusema tunashiriki. Or Christ est Dieu. Ijapokuwa Kristo yeye ni Mungu. Nous prenons part. Na tunachukua nafasi. Nous participons. Tunashiriki. À Christ. Ndani ya Kristo. Mais qu'est-ce que Christ? Lakini Kristo ni c'est un personnage. Inakuwa ni mtu mmoja. Quand tu participes à un personnage, na wakati unashiriki c'est que tu participes aux choses qui constituent ces personnages. Tu participes à l'héritage de ces personnages. Tu participes à ce que est ce personnage. Nous sommes participants de Christ. Maintenant, sasa, Dieu Mungu, en lui-même, sa gloire wake, en lui-même se manifeste par son être, sa personne yiko, et sa puissance. Wake, et nous avons vu ya kwamba, que ces choses ya kwamba mambo haya, déversées dans un être humain ya ndani ya manadamu, allons-y tuende pamoja, dans un être humain ikisaingia ndani ya manadamu, la présence de ceci uwepo wa mambo haya, dans l'être humain ndani ya manadamu, se manifeste inaonekana, par la manifestation kupitia kufunuliwa de la présence de Dieu ya uwepo wa Mungu. La manifestation de la faveur de Dieu. Ya kibali cha Mungu. La manifestation kuonekana des dotations divines ya kupewa vifaa na Mungu. Maintenant, sasa, lorsque nous venons dans la nouvelle alliance, ganojipia, pour comprendre ili tuelewe, comment ça fonctionne, namna gani mambo yanaendeka, Paul Paulo, nous explique ça ici. Anatufasiria hii hapa. Regardez. Tazama. Chacun sera dans sa Bible. Kila mtu atakuwa ndani ya Biblia yake. Qu'il vous donne. Awapatie. Il dit, je fléchis les genoux. Anasema, nagunja magoti. Paul fléchit les genoux. Paulo anagunja magoti. C'est-à-dire, Paul prie. Ni kusema Paulo anaomba. Et il prie intensément. Anakuwa kiomba kabisa. Il dit quelque part ailleurs. Anasema, je ressens encore des douleurs de l'enfantement sur vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire, mes douleurs de l'enfantement poussent mes genoux par terre. Pour dire, Seigneur, sois formé dans cette femme. Sois formé dans cet homme. Et je fléchis les genoux. Jusqu'à ce que. Je ne gratte pas Dieu pour dire Seigneur au monde est nul. Donne-lui. Non, je fléchis les genoux. Je souffre. Niko nateseka. Je pleure devant Niko Dieu. Nalia mbele ya Mungu. Je crie à l'Éternel. Niko namlilia Mungu. Oh Dieu. Eh Mungu. Sois formé dans cette personne. Or, qu'est-ce que Christ soit formé en nous. Christ si ce n'est. Kama si haiko, ce n'est kama haiko, que la gloire de Dieu utukufu wa Mungu remplisse quelqu'un. Ambao unajaza mtu. Que la gloire de Dieu vienne utukufu wa Mungu uche, et te remplisse. Na ukujaze. On va voir ça tout à l'heure. Tutaona hii hapa. Je fléchis les genoux. Ninapiga magoti. Devant. Mbele. Devant qui? Mbele ya nani? Le Père. Mbele ya Baba. Pas l'oncle. Apana mjomba. Ou devant la mer. Ama mbele ya mama. Je fléchis les genoux. Napiga magoti. Devant la source. Mbele ya chemchemo. Devant la source. Mbele ya chemchemo. Pour réclamer quoi? Kwa ajili ya kuomba nini? Et cette source. Na chemchemo hii. Duquel. Ambayo kutokea ndani yake. Tire son nom. Ambao jina lake linatokea. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Kila jamaa la ulimwengu linatokea ndani ya jina. Le nom de la personne. Jina la mtu huyo. C'est cette personne. Ni mtu huyo. Devant le Père. Mbele ya Baba. Duquel. Ambaye. Tire son nom. Jina zote zinatokea. Les familles. Majamaa zote. Dans les cieux. Mbinguni. Sur la terre. Na duniani. Il n'est pas dit les familles dans le ciel. Mais dans les cieux. C'est-à-dire dans l'univers. Toutes les familles qui sont dans l'univers tirent leur source de ce Père-là. Les familles des galaxies. Les familles des étoiles. Les familles des planètes tirent leur source de ce Père ici. Mais il dit les familles de la terre aussi. Quelles sont les familles qui sont sur la terre? Les familles animales. Les familles végétales. Les familles volcaniques. Les familles océaniques. Vous savez que les océans ne se ressemblent pas. Les familles des vertébrés et des invertébrés. Les familles des gallinacés, les familles des oiseaux, les familles de la terre. Toutes familles sur la terre tirent son nom du Père. Maintenant regardez. Toutes ces familles tirent leur nom du Père. Kutoka kwa Baba. Et moi, na mimi, la famille humaine, jamaa ya wanadamu, je tire mon nom na ondoa jina langu du Père. Toka kwa Baba. Et Paul dit, na Paulo anasema, je prie ninaomba, à celui de qui toutes choses proviennent, ule ambaye mambo yote yanatoka kwake, pour qu'il fasse quoi de nous? Ili atufanye sisi namna gani? Tuangalie. Pour qu'il fasse quoi? Ili afanye nini? Afin qu'il vous donne. Il y a wapatie. Wow. Je fléchis les genoux. Inapiga magoti. Afin que le Père. Ili Baba. Vous donne. Awapatie. Et il vous donne quoi? Awapatie nini? Vous avez vu le verset? Mumeona shaili hili. Allô. Allô. Est-ce que vous êtes là? Je muko hapo. Si vous n'êtes plus là, vous me faites signe. Kama hamuko hapo munani. Comme ça j'arrête. Munaniambia nasema. Est-ce que vous êtes là? Je muko pale. Vous êtes là. Muko pale. Merci. Sawa, regardez. Tazama. afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Mais pour mieux comprendre ça, je vais vous aider. On va juste inverser quelques mots. Regardez simplement. Je vais lire ça. Afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur selon la richesse de sa gloire. Là, c'est compréhensible. Je veux Naitaji que le Père Baba vous donne d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur selon la richesse ou à la mesure de la richesse ou dans la dimension de la richesse de quoi? De son kabod. Fortifié dans votre homme intérieur selon la richesse de son kabod. Pas n'importe comment. Selon la richesse de sa gloire, que vous soyez fortifié par l'esprit dans votre homme intérieur. C'est-à-dire que ces richesses de sa cabode viennent dans votre être intérieur de telle manière que ces cabodes vous fortifient ou vous rendre fort, ou vous amène dans la dimension de la cabane, ou vous élève à la hauteur des perspectives divines sur votre existence. Ya Mungu tu ya maisha yenu. Paul, Paulo, tu dis des choses difficiles. Tunasema mambo ya ngumu. Je fléchis les genoux. Ninapiga magoti. Devant la source. Mbele ya chemchemo. Afin qu'il vous donne. Ili awapatie. D'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur selon la richesse de sa gloire. La gloire de Dieu est une richesse. Dans l'homme intérieur, je voudrais que cette richesse qu'on appelle gloire de Dieu vous remplisse wajaze, et que vous rende fort. Na uwatie nguvu. Aide-moi Seigneur. Unisaidie Bwana. Aide-moi Jésus. Unisaidie Yesu. Sa gloire c'est quoi? Utukufu wake ni nini? Pour rappel, kama ukumbusho, sa gloire utukufu wake, c'est tout l'être et le faire de Yahweh. Ni ile yote ambayo Yahweh iko na ile yote anayoitenda. C'est tout l'être et tout le faire de Yahweh. Yote ambayo Mungu iko na yote anayoifanya. La richesse est définie par les dictionnaires comme ceci. Na utajiri inaweza kufafanuliwa na kamusi kama hivi. L'abondance de biens. Inakuwa ni utele wa mambo. C'est-à-dire richesse égale abondance de biens. Kusema utajiri inamaanisha utele wa mambo. Richesse utajiri est définie aussi comme l'argent. Inaweza kueleweka pia kama pesa. Mais elle est définie aussi comme. Lakini inaweza kufafanuliwa pia kama. Les valeurs de toute espèce. Kama vile samani ya kila kitu. Richesse. Utajiri. C'est-à-dire. Inamaanisha. Valeur de toute espèce. Samani ya kila aina. Maintenant. Sasa. Si nous prenons cette définition. Tukichukua ufafanuzi. Et nous l'appliquons. Na tunaanza nous trouvons ceci. Tunapata hii. Selon. Que vous soyez fortifié à l'homme intérieur selon la richesse de sa gloire. C'est-à-dire, selon la valeur de toute espèce qui est en Dieu. Selon l'argent qui est en Dieu. Selon l'abondance de biens qui sont en Dieu. Que vous soyez fortifié par son esprit. Que tout ce que Dieu est, yote ambayo Mungu iko, que tout ce que Dieu sait faire vienne en vous comme richesse. Je n'ai ni argent ni or, disait Pierre. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre, merci. Petro, asante. Tu nous éclaires un peu unatufunulia sur comment ça fonctionne. Namna gani mambo yanaendeka. Ce que Dieu sait faire est une richesse de sa gloire. Inakuwa ni utajiri wa utukufu wake. Et cette richesse na utajiri huo est en Pierre. Iko ndani ya Petro. Et Pierre vient devant un paralytique. Na kisha Petro anakuja mbele yake. Elle lui dit, monsieur le paralytique, na namwambia yeye kiwete, regarde-nous. Ututasame sisi. Et le paralytique le regarde. Na kiwete anaangalia. Et il ajoute, na kisha anaongeza, je n'ai ni argent ni or. Sina pesa ama dhahabu. Comme on te donne chaque jour ici. Kama vile wanakupatia kila siku watu wanaoona. Mais ce que moi j'ai, lakini mimi ile ambayo ninayo, j'ai tiré ça de la richesse de la gloire de Dieu. Je vais te le donner. Je te donne. Mais comment tu me donnes? Mais je ne vois rien. Mimi si il dit, je te donne. Mais Pierre, lakini Petro, cette richesse est où? Utajiri huu uko wapi? J'ai été fortifié nilitiwa nguvu par l'esprit kupitia roho dans l'homme intérieur. Mtu wangu wandani. Par quoi? Kupitia nini? Par les richesses kupitia de sa utajiri gloire. Wa utukufu wake. Pourquoi tu es si assuré, Pierre? Sababu gani una uhakika mwingi hivi, Petro? Pourquoi tu es si calme? Sababu gani unatulia? Tu es sûr? Sababu gani una hakika? Parce que sababu, ces richesses-là sababu ile utajiri sont assises en moi. Zinaketi ndani mwangu. Et je suis calme. Na mimi ninatulia. J'ai la foi ninakuwa na imani que ces richesses sont dedans. Ya kwamba ile utajiri iko ndani. Je ne doute pas. Na mimi sina shaka. Et je peux na ninaweza distribuer ninaweza kugawa de ces richesses. Ule utajiri. De quoi? De la gloire de Dieu. Ya nini? Ya utukufu wa Mungu. J'ai reçu de Dieu. Nimepokea toka kwa Mungu. Je peux distribuer. Na mimi ninaweza kugawa de ces richesses là. Kutoka kwa ile utajiri. Alors je distribue. Sasa nami ninagawa. Paralytique, kiwete wewe, je te donne ninakupatia ta guérison. Ponyaji wako. Lève-toi, simama, et marche. Na utembeye. Et le paralytique na kiwete se lève anasimama, et il marche. Na anatembea. Le courroie de transmission hii njia ya kupatiana de cette richesse qui est en Pierre hii utajiri iliyo ndani ya Petro pour arriver au paralytique ili mufikie ule kiwete le courroie ile singa ou le canal ile singa manjia de transmission ambayo, de cette richesse utajiri tapitia, c'est la parole inakuwa ni neno. Est-ce que vous avez vu jemumeona cette guérison transiter pio c'est sorti la bouche de Pierre ikitoka, on a vu un truc sortir rien waliona kitu ambacho kinatoka njoo kale kameingia ka guérison kameingia et puis c'est entré dans les paralytiques. Vous avez vu ça? Muliona hiyo. Mais la parole que Pierre lakini, prononce transporte une portion du fer de Dieu. Ya ile ambayo Mungu anaweza kufanya. Pierre parle Petro anasema, et la parole na neno, transporte linabeba une réalité spirituelle, ukweli wa kiroho, la guérison uponyaji, et fait arriver na inaifikisha la guérison en question. Ile uponyaji. La guérison en question ile uponyaji n'est pas une image de la guérison. Haiko picha ya uponyaji. C'est une guérison réelle. Inakuwa ni uponyaji wa kweli. Et le monsieur se lève. Na ule bwana anasimama. Il se lève. Anasimama. Il saute. Anaruka. Il chante. Anaimba. Il entre dans le temple. Anaingia ndani ya hekalu. Dansant. Akicheza. Sautant. Akiruka. Et loua Dieu. Na akimsifu Mungu. Il a reçu quoi? Alipokea nini? Une parole. Alipokea neno moja. Que contenait cette parole? Ile neno ilikuwa na nini? La richesse. Ilikuwa na utajiri. Une portion. Ilikuwa na sehemu. De la richesse. Ya utajiri. De Dieu. Ya Mungu. De la richesse. Ya utajiri. De la gloire. Ya utukufu. De Dieu. Wa Mungu. Vous voyez cette expression? Mnaona hii msemo? Selon la richesse. Kufuatana na utajiri. De sa gloire. Ya utukufu wake. Selon la richesse. Kufuatana na utajiri. De son kabod. Ya utukufu wake. « Quelqu'un aura besoin qu'une parole soit prononcée sur sa vie. Il y a beaucoup de choses que tu attends qui vont passer par une parole. Lorsque le 31 décembre, une parole est prononcée, cette parole est porteuse. Cette parole est porteuse de tout ce qu'elle dit. Cette parole transporte tout ce qu'elle dit. La parole de Pierre transporte tout ce que Pierre dit. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ok, je me lève et je marche. Et ça marche. C'est ce que tu vas commencer à vivre. Parce que la richesse et la gloire de Dieu, Dieu a prévu qu'elle soit à la portée de quiconque veut, quiconque croit, quiconque est prêt. Désormais, n'hésite pas. Dans la mesure où tu as déjà reçu, n'hésite pas de donner. Dites à quelqu'un, je vais commencer à donner. Alléluia. Amen. Allons dans ce texte. Je vous ai déjà dit que le Père, c'est la source. Et toutes les familles de la terre, c'est toute la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voyez. Ça, ça t'asama. Il dit, anasema, selon la richesse de sa gloire, kufuatana na utajiri wa utukufu wake, en sorte que, verset 17, Shaili la kumina saba ili, Christ Christo, habite dans vos cœurs ndani ya mioyo zenu, par la foi. Kupitia imani. Christ n'est pas un talisman. Christo sio hirizi. Christ, Christo, c'est la deuxième personne de la divinité. Inakuwa utu wa pili wa, il habite wa dans votre cœur par la foi. Kupitia imani. C'est-à-dire, ni kusema, lorsque la Bible me dit, wakati Biblia à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à son nom, wanaoamini jina lake, et moi je dis, nami nasema, je te reçois, ninakupokea, je crois à ton nom, ninaamini jina lako, la parole neno transmet Christ en moi. Inaleta Kristo ndani mwangu. Haiko vile ndio mliokoka basi. Est-ce que c'est pas comme ça que vous aviez été sauvé? Qui a été sauvé autrement? Qui a été sauvé autrement? Nani ambaye aliokoka kitofauti? Levez la main. Nyosha mkono. Tu as été sauvé par un fouet ou bien? Umeokoka na fimbo ama namna gani? Nous avons été sauvés. Tumeokolewa. Par la parole. Kupitia neno. J'ai entendu la parole. Nimesikiliza neno. La parole parlait de Christ. Neno ambalo lilikuwa linazungumzia Kristo. J'ai reçu la parole. Nikapokea neno hilo. Et Christ est venu en moi. Na Kristo amekuja ndani mwangu. Et maintenant je na sasa, je prétends. Ninafikiria que je suis sauvé, kwamba, que Jésus est en moi. Kwamba Christ, vérifiez chez ton voisin si Christ est là dedans. Chunguza kwa jirani yako kama Christ yuko mule ndani. Est-ce que Christ est dedans? Je Christ yuko mule ndani. Vérifiez, mko na niangalia si mu vérifiez. Pourquoi vous êtes en train de me voir? Vérifiez. Est-ce que Christ est dedans? Je Christ yuko ndani. Comment vous savez? Unajua namna gani? Hein? Unajua namna gani? Si munijibie, comment vous savez là-haut? Mnajua namna gani? Comment vous savez? Unajua namna gani? Par la foi. Kupitia imani. Comment tu sais toi-même que Christ est en toi? Unajua namna gani wewe mwenyewe ya kwamba Kristo yuko ndani mwako? Tu sais par la foi. Unajua kupitia imani. OK. Sawa. Comme c'est par la foi. Sisi ni kupitia imani. Que Christ est en moi. Ya kwamba Kristo yuko ndani mwako. Et qu'une autre chose. Na kwamba kuna kitu kingine. La Bible peut la déclarer. Ambayo naweza kuitamka. Est-ce que cette chose peut elle aussi venir en moi de la même manière que Christ est venu en moi? Si la Bible dit, kama Biblia inasema, par ce meurtrissure, kupitia vous avez été guéri. Ok. Sawa. Si tu crois à Jésus, kama na mini tu seras Yesu, sauvé. Utaokolewa. Et puis pouf, Jésus est dedans. Na kisa Yesu anaingia ndani kwa ghafla. Par tes meurtrissures, vous avez été guéri. Mumepata uponyaji. Pourquoi la guérison n'entre pas? Sababu gani uponyaji sasa uingie? Et je parle à quelqu'un. Je niko na mwambia mtu. Je n'ai ni argent ni or. Sina pesa ama zahabu. Mais ce que j'ai, lakini ninayo, ninakupatia. Et puis ça entre. Na kisa inaingia. Cette année sera annoncée l'année des avancées irrésistibles. Mwaka huu natamka kama vile mwaka wa kuendelea. Et chez toi ça n'entre pas. Na kisa kwa kwa ingie. Et l'année se termine. Na kisa mwaka inaisha. Tu n'as pas été irrésistible. Haukukua mtu ambaye hawezi kupingika. Et tu pleures. Na kisa unalia. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini iliyopitikana? Le mystère de l'irrésistibilité a été libéré par la parole. L'avez-vous reçu? Dieu dit à Abraham, je te bénirai à l'infini. C'est une parole. Inakuwa ni neno. Et aujourd'hui, na leo, lorsque tu vérifies, wakati unachunguza, dans la vie d'Abraham ndani ya maisha et sa descendance, na uzao wake, tu constates unagundua ya kwamba, que cette phrase ya kwamba msemo est en train de provoquer des choses. Uko unaleta mambo, des inventions. Uko unaleta uundaji wa vitu, des découvertes. Kugundua vitu, des millions et des milliards. Millions et billions. Parce que l'Éternel avait dit, je te bénirai à l'infini, Abraham. La parole neno transportait les richesses de la gloire. Et cette richesse de la gloire na ile utajiri wa utukufu est vivante. Inakuwa hai. Matthieu 6. Matayo 6 ou Jean 6, 63. Ama kitabu cha Yohana 6, 63. La parole que je vous ai annoncée est esprit roho, et vie. Parole, neno, esprit. Roho. Maintenant que parole, ça veut dire que la parole ni roho, est esprit. La parole, c'est un esprit. Neno inakuwa roho. Mais cet esprit a la vie. Lakini roho hiyo ina uzima. Et quand je reçois la parole, ninapopokea neno, je reçois cet esprit. Niko napokea roho. Et cet esprit transporte ce que la parole dit. Na ile roho inabeba ile ambayo. Et quand l'esprit vient, na wakati roho inakuja, elle dépose cette chose inaweka hiyo kitu en moi ndani mwangu comme une vie. Kama vile uzima. Ce qui était mort dans le corps du paralytique, la parole de Pierre transporte, ou l'esprit transporte la parole de Pierre avec la vie qui est dedans, dépose dans le corps du paralytique, et puis crac, crac, il se lève et ça marche. Il est guéri. Il chante. Je ne sais pas si ça faisait combien d'années qu'il n'avait pas chanté. J'imagine quand les gens chantaient dans le temple, lui se disait, Mouimbe, nye, mouko bien. Il était en train de dire, chantez, vous êtes bien. Moi, je vais chanter. Je suis seulement ici. Lorsque vous allez sortir de là, n'oubliez pas, vous allez me laisser l'aumône. Laissez-moi ici quelques phrases ici dehors. Vous savez, quand nous sommes dans la souffrance, nous sommes même modifiés dans notre système. C'est pourquoi il ne faut pas permettre que la souffrance dure longtemps. La souffrance, ça vous modifie. Certaines personnes ne prient plus pour le mariage. Même quand tu dis, bon, je vais prier pour toi, non, achai, le baba, achai. Même lorsqu'on dit prions, oh, laisse ça, laisse ça. La souffrance t'a déjà modifié. Quand tu dis achaïle, lorsque tu dis tu veux sous-attendre quoi? J'ai déjà dit ça à Dieu autant de fois. Mais ça y a bien Mungu mara nyingi, ni miaka 10 niko na isema. Tu peux laisser ça. Mwache, acha nichoka. Dieu est fatigué de moi. Est-ce que Dieu est fatigué de toi? Non. Quelle est ta requête? Itaji yako ni gani? Qu'est-ce que tu attends pour 2020? Unangoja nini kwa ajili ya mwaka kesho? Tu attends la richesse de sa gloire. Unangoja utajiri wa utukufu wake. Je crois qu'avant qu'on prie, quelqu'un va essayer de corriger ce qu'il a déjà écrit. Nikiwaza mbele tuombe, kuna mtu ambaye atarekebisha ile ambayo ameshaandika tayari. Tu vas améliorer. Utaweza kuboresha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La richesse de sa gloire. Utajiri wa utukufu wake. La richesse de sa gloire. Utajiri wa utukufu wake. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Maintenant, sasa, quels sont les courroies de transmission? Ni nini njia za kupana? J'ai déjà dit tantôt la parole. Nimeshasema kwamba neno. Mais la parole, lakini neno hili, vient après. Inakuja kisha. Au troisième niveau. Inakuja kwa ngazi ya tatu. Il y a deux courroies de transmission de la cabode de Dieu. Dans la vie de l'homme, le premier c'est le Saint-Esprit. Le second c'est Jésus-Christ lui-même. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Il est écrit dans Genèse 1:2. La terre était informe et vide. Et l'Esprit na roho se mouvait alikuwa au-dessus de l'abîme juu ya giza pour préparer le terrain kwa ajili ya kutayarisha uwanja de l'arrivée ya kufika de la parole ya neno que Yahweh allait prononcer tantôt angepaswa kutamka wakati ujao. La parole neno va sortir de la bouche de Dieu. Itatoka kinywani mwa Mungu. Elle va trouver le Saint-Esprit. Na neno hili itakuta Roho Mtakatifu. Et elle va être faite chair. Na hii neno itavika mwili. Même quand vous lisez dans Genèse, plutôt dans Jean chapitre 1er verset 1er. Unaposoma ndani ya kitabu cha Yohana sura 1 mstari wake wa kwanza. Le deuxième courroie Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 14 ou 18, nous avons contemplé sa gloire. La gloire, comme la gloire du Fils unique béni du Père. Jésus-Christ. Et il est écrit, tout a été fait par lui et pour lui. Toute chose a été faite par Christ et pour Christ. Les deux courroies de transmission de la gloire jusqu'à nous, le Saint-Esprit, et qui? Et Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous lisez le Nouveau Testament, vous trouvez la place prépondérante du Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Regardez, dans le verset 16. Afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié. Par qui? Par qui? Vous n'êtes plus là? Fortifié par qui? Mutiwe nguvu na nani? Par son esprit. Kupitia roho wake. Kurua. Njia. Selon la richesse de sa gloire. Kufuatana na utajiri wa utukufu wake. En sorte que ili Christ. Kristo. Vous voyez? Unaona? Habite dans vos cœurs. Akae mioni mwenu. Par quoi? Kupitia nini? Par la foi. Kupitia imani. Et si vous retrouvez ces éléments, je munakuta haya le Saint-Esprit, Christ, la parole, la foi, Christo, imani. Par la foi. Kupitia imani. afin que étant enraciné, soulignez ça, enraciné et fondé, na mumejengwa. Vous avez souligné ça? Mumeweka kistari chini. Enraciné et fondé en lui. Jengwa ndani mwake. Dans l'amour. Ndani ya upendo. Or Christ est l'amour. Itapokuwa Kristo yeye mwenyewe ni upendo. N'est-ce pas? Sio hivyo. Vous puissiez comprendre. Muelewe. Avec tous les saints. Pamoja. Quelle est la largeur? Na watakatifu wote ni nini upana? La longueur. Urefu. La profondeur. Kilindi. Et la hauteur. Na kupanda juu. Et connaître na kujua l'amour de Christ, upendo wa Kristo, qui surpasse toute connaissance, ambao inavuka kila maarifa. Regardez, tazama, nous avons dit, tumesema, que dans l'être de Dieu, ya kwamba ndani ya ile ambayo Mungu, il y a la facette puissance, kuna ile uso wa uwezo, il y a la facette être, kuna uso wa ile ambayo iko. Et il y a la facette sa personne. Na kuna uso wa utu wake. Et que c'est au travers de sa personne. Na ni kupitia ile utu wake. Que Yahweh, Yahweh nous donne opportunité de passer. Nafasi ya kupita. C'est par là ni kupitia hapo qu'il nous a engendré. Ndipo aliweza kutuzaa. C'est aussi par là ni kupitia hapo que nous venons. Ndipo tunakuja pour interagir ili tuweze kujadiliana pamoja naye. Avec Yahweh. Pamoja na Mungu. Mnanipata? Umekapti. Nous venons pour interagir. Tunakuja ili tuweze kushirikiana. C'est cette facette-là. Ni hii uso. Qui peut aussi être appelé l'amour de Dieu. Ambao naweza kuitwa pia upendo wa Mungu. C'est aussi cette facette. Ni hii uso. Qui nous présente les bras ouverts de Christ. Ambao inatuonyesha mikono ambayo inafunguliwa ya Kristo. La Bible dans Hébreux 1:3. Biblia inasema ndani ya Waebrania 1 mstari wa 3. Après qu'il se soit révélé aux hommes par les prophètes, etc. Kisha kujifunua kwa wanadamu dans ces derniers temps, manabii, kwa hii wakati wa Dieu s'est révélé par son fils, kupitia mwana wake, qui est l'empreinte ambaye ni chapa de sa personne. Ya utu wake. L'empreinte chapa de sa personne. Ya utu wake. Autrement dit, kwa maneno mengine, tu touches Christ, unagusa Kristo, tu as touché Dieu, umegusa Mungu. Tout ce que tu veux de Dieu, yote ambayo unahitaji kutoka kwa Mungu, tu peux attraper ça. Unaweza kuipata. Autrement dit, kwa maneno mengine, si tu viens par là, kama unakujia huko, tu vas brûler. Utaungua. Si tu viens par là, kujia kule, il n'y aura rien. Hakuna kitu. Mais si tu viens par cette facette lakini ici, ukikujia kwenye iuso, tu vas trouver Christ. Utapata Kristo. Maintenant, sasa, vous savez qu'il y avait un problème entre Dieu et les humains. Kulikuwa shida kati ya Mungu le problème de la chute. Shida ya kuanguka kwa mwanadamu. Donc quand l'homme est tombé, wakati mwanadamu alianguka, même cette facette ici, hata hii uso, de la personne de Dieu, ya utu wa Mungu, est devenue compliquée. Ikakuwa hatari. Il y avait la colère, je vous ai dit. Dieu a un caractère. Il faut respecter les principes pour bénéficier. Dieu a une personnalité. Donc, si tu ne passes pas par ici, tu n'entres pas. Or, Dieu dit, je serai votre père et vous serez mes fils. Ça passe par où? Par Christ. Si vous devez être le fils de Dieu, il faut passer par le fils de Dieu. Est-ce que ça passe, madame? Est-ce que vous me captez? Maintenant, le texte dit quoi? Ça, ça indique qu'on est dans ces. Oui, c'est ça. Revenons à Éphésiens, là, là où nous sommes. Éphésiens. Oui, Éphésiens, tato. Il est déjà là. Verset 16, 17. Kumina sita na kumina saba. 17. En sorte que Ili Christ Christo habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Je vais vous expliquer comprendre et connaître. Je rappelle ça parce que j'ai déjà parlé de ça hier ou avant-hier. Connaître dans ce contexte, en grec c'est ginosko, qui veut dire connaître par l'esprit, non pas connaître par l'intellect. Que vous puissiez connaître avec votre esprit. Maintenant regardez. Tazama. Nous disons l'amour de Christ. Tunasema upendo wa Kristo. Connaître quelle est kujua la largeur, ni nini upana, la profondeur, ni nini vilini, la hauteur, ni nini kupanda, et la longueur, na nini urefu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ni kusema, quel est l'espace, ni nini nafasi, que Dieu nous réserve Mungu anatutayarishia dans son cœur, ndani ya moyo wake, par son amour, kupitia upendo wake. La, vous savez, unajua, ceci ne veut pas dire hiya imanishe, afin que nous puissions avoir l'amour large, l'amour long, na upendo ambayo iko pana, ou l'amour haute, ou l'amour profond. Panda, il s'agit de l'amour de Christ. Hii ni upendo wa Christ. Il s'agit de la dimension hapa inakuwa ni kiwango avec laquelle ambayo kupitia nayo pénétrer unaweza kuingia dans la personne de ndani Dieu. Ya utu wa Mungu. Pénétrer unaweza kuingia dans le cœur de ndani Dieu. Ya moyo wa Mungu. Pénétrer unaweza kuingia dans la personne de Dieu. Ndani ya utu wa Mungu. Maintenant, sasa, chacun de nous, kila moja wetu, quand il vient là-bas, anapokuja hapo, certains viennent pamoja wanakuja avec une petite dimension. Pamoja na kiwango ndogo. Unakuya ta compréhension. Kuelewa kwako. Ton niveau de compréhension. Ngazi yako ya kuelewa. Uwaye sa? Unaona hii? Upana, kupanda, vilindi ya upendo wa Kristo. Wamoja kati yetu. Nous venons avec cette petite dimension. Tunakuja pamoja na hii kitu kidogo. Et nous recevons de Dieu. Hii ngazi kidogo na tunapokea selon la mesure de notre dimension. Kufuatana na hii kipimo ya ngazi yetu. C'est pourquoi il faut prier. Paul dit, je fléchis les genoux. Paulo anasema ninapiga magoti. Afin que Dieu vous donne ili Mungu awapatie d'être capable de comprendre. Mwana uwezo wa kuelewa. C'est la connaissance, c'est la compréhension que nous acquérons ambayo tunapata, qui nous permet ambayo inatuwezesha de venir tukuje avec une plus large, une plus longue longueur, tukiwa na urefu mrefu, une plus large largeur, tukiwa na upana kabisa pana, et une plus longue profondeur. Na tukiwa na undani ambao unaingia. Et c'est là qui différencie na hii ndio naleta utofauti les différents enfants de Dieu naleta utofauti sur cette terre ya wana wa Mungu. Où on a l'impression ambao tunaweza kufikiria que celui-là ya kwamba ule a Dieu grand anakuwa na Mungu mkubwa plus que moi kunishinda mimi. Le point déterminant, c'est notre tofauti niveau de compréhension. Inakuwa ni ngazi yetu ya kuelewa. Notre degré kipimo chetu de comprendre kipimo chetu avec tous les saints. Pamoja na watakatifu wote. Quelle est la largeur, nini upana, la longueur, urefu, la profondeur, ulini, et la hauteur na kupanda de l'amour de Christ. Ya upendo wa Kristo. Le verset suivant, shaili la kufuata, 19, 19. Et connaître na kujua l'amour de Christ, upendo wa Kristo, qui surpasse toute connaissance. Ambao unavuka kila maarifa. Mwanifata. Vous me suivez? Paul est honnête. Paulo kabisa anasemesha kweli. Et il dit, na anasema, le contenu inayokuwa ndani auquel nous voulons entrer, dans lequel nous pénétrons, ambao tunatafuta kuingia, surpasse toute capacité. Inavuka kila uwezo. La gloire de Dieu utukufu wa Mungu surpasse toute capacité. Inavuka kila uwezo. Mais l'homme, lakini mwanadamu, il lui est donné amepewa de venir akuje à la mesure de sa compréhension, kwa kipimo cha kuelewa kwake, de sa capacité d'élargir son entendement na uwezo wake wa kupanua kuelewa, et de croire na kuamini, et de se faire aider na ajifanye kwamba saidiwe par le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu, de se faire aider afanya saidiwe par le Sauveur na Mwokozi, afin ili d'accéder afikie à une plus grande richesse, kwa utajiri mkubwa zaidi. De quoi? Ya nini? De la gloire de ya Dieu. Utukufu wa Mungu. Regardez les requêtes que vous avez écrites. Tazama mahitaji ambayo umeandika. Ces requêtes émanent mahitaji hayo yanatokea de la longueur, dani la largeur, urefu, upanda, la hauteur, upanda, et la profondeur na kuingia de kidani, votre capacité ya uwezo de comprendre Dieu. Ya kuelewa Mungu. Chaque requête, kila hitaji, c'est lui ule ambaye, dont la longueur, la largeur, la hauteur, etc. ambaye upanda, est beaucoup urefu, plus vaste. Undani na kupanda, a certainement écrit des requêtes que si le voisin lit ça, il va dire mweye. Ameandika mahitaji ambayo jirani akiona anasema kabisa uko na majivuno wewe kabisa. Les gens sont prétentieux, quoi. Watu kabisa, wako na majivuno. Vraiment, les archos baumu, biko prétentieux. Ni kwa na ikala karibu na papa mwavi, ameandika hivi. Les archos sont prétentieux. Ameandika kufatana na ginosko yake au niveau de sa connaissance de l'amour et de la richesse de la gloire de Dieu. De la ya ile utajiri unaokuwa ndani ya utukufu wa Mungu. Beaucoup de choses, mambo mengi, traînent yanachelewa parce que notre connaissance de la richesse et la gloire de Dieu kwetu utukufu wa Mungu est trop maigre. Inakuwa nyembamba sana. Est trop limitée. Inagonda, inakuwa na mipaka. Pour certains, il y en a même plus. Kwa wengine hawana nayo tena hata. Ils connaissent le Dieu du passé. Wanajua Mungu wa zamani. Ou ils connaissent le Dieu du voisin. Ama wanajua Mungu wa jirani. Ou comme les fils d'Esquiva, ils connaissent le Dieu de Paul. Ama kama vile wanawasema. Nous te chassons Mungu wa Paulo. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Tunakufukuza kwa jina la Yesu Kristo ambao Paulo anahubiri. À la connaissance, à largeur, hauteur, etc. Paulo mais vous, fils d'Esquiva, quelle est votre connaissance lakini nyinyi wanawasema de la richesse de la gloire munajua nini kufuatana na dans laquelle il y a l'être de Dieu et le faire de Dieu. Maintenant vous vous permettez de faire, vous voulez faire quoi? Chasser les démons. Mais ce faire ici fonctionne à la mesure de la dimension de la connaissance que vous avez de Christ ou de la personne de Dieu ou alors de l'espace que vous vous êtes taillé là dans la personne de Dieu. Vous avez pris quel espace? C'est un centimètre? C'est 10 mètres? Regardez. Tazama. Même le télescope. Hata wale wanaoangalia ndani ya vyombo. Le télescope qui regarde l'univers. Chombo ambao inatazama ulimwengu. So the telescope de rayon de 10 mètres. Inakuwa ni vyombo ambao vinaweza kuangalia kwa mita 10. Ya c'est pas le Japon ou qui veut soit en train de monter un télescope de 30 mètres. Kuna Japan ambayo iko natengeneza de diamètre. Ile chombo ya kutazama ulimwengu ambao inakuwa na mita 13. Si tu viens avec un télescope comme mon truc ici, na kama unakuja na chombo hiyo kama Mike, tu ne verras rien. Utazama nyota hautaona kitu. Mais si tu viens avec le télescope de 10 mètres, lakini ukikuja na ile chombo ya mita 10, les merveilles incommensurables, indescriptibles de Dieu, et ta foi va monter à la hauteur de ta connaissance. Beaucoup de gens sont découragés parce que ce qui a commencé à mourir en eux, c'était la dimension de leur télescope. Essayons de terminer ce point. Tumalize nukta hii. Verset 19. Shairi la 19. Et connaître l'amour de Christ na kujua upendo qui surpasse toute connaissance na uvuka kila maarifa, en sorte que ili vous soyez remplis mujazwe jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Kwa utele wote wa Seigneur, Buana, tu vas un peu loin, unaenda mbali sana, tu prétends unafikiria que nous pouvons être remplis ya kwamba tunaweza kujazwa de toute la plénitude de toi na utele wote wako wewe. Mais comment Dieu, namna gani Mungu, le Dieu infini, Mungu asiye na mwisho, va venir dans mon petit corbeau de tête d'intelligence, atakuja ndani ya akili yangu kidogo. Est-ce que vous voyez? Je mnaona. Entre le Dieu infini, kati ya Mungu ambaye ana mwisho, est-ce que tu es capable de connaître et de comprendre? Na ile ambayo unaweza kuelewa. Voyez que nous sommes comme des corbeaux. Si unaona kama tuko kama makoroboi. Mais Dieu dit, lakini Mungu anasema, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Kwa utele wote wa Mungu. Comment tu vas faire, Seigneur? Utafanya namna gani? Et Dieu dit, ce n'est pas impossible. Na Mungu anasema, je suis le créateur. Haiwezi kushindwa kufanywa. Qui pouvait croire nani ambaye pasha que le Fils de Dieu, ya kwamba mwana wa Mungu, par qui tout a été créé, ambaye kupitia yeye mambo yote ya pouvait se réduire, angepaswa kujishusha, et venir na anakuja dans l'utérus de Marie. Anakuja ndani ya tumbo ya Maria. Et s'asseoir dedans et faire la nidation. Le Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Et il s'asseoir dedans. Na naketi ndani. Et puis ça commence à gonfler. Na kisha tumbo inaanza kuvimba. Pendant 9 mois. Muda wa miezi 9. Hey. Et puis mimbe na luma. La grossesse fait mal. Na kisha mimbe inaanza. Le travail kumbu commence. Kazi ya mimbe inaanza. Et Marie dit à Joseph, anamwambia Yusuf, je crois que je dois accoucher maintenant. Alors amène-moi à l'hôpital. Et puis ils vont essayer de tâtonner dans les hôpitaux, c'est plein. Na kisha wanapita ndani ya hospitali zimejaa. Jusqu'à aller finir dans une dans les tables, dans une bergerie. Na kisha wakaishia ndani ya hospitali. Eh bwana, mtoto atangukia chini, tuingie tu mwii. Acha tuingie humu. Utaingia tu humu ndani ya hori la ngombe. Et Joseph et Marie entrent là-dedans. Et il y avait un mangeoire. Et puis, bon, arrangeons ici. Wanasema tutengeneze hapa. Et puis, la fin est là. Na kisha mtoto yuko Jésus, Yesu, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, tu viens de sortir umetoka d'un corps d'une créature. Ndani ya mwili ya kiume. Mais est-ce que tu es un morceau de Dieu? Je wewe ni kipande un morceau de Jésus? Je ni wewe ni kipande c'est ya Yesu Jésus bana. Complet. Ni Yesu ambaye anaenea. Et il grandit. Nakakoma. Et il monte à la croix. Nanapanda msalabani. Et il sauve l'humanité. Nanaokoa ulimwengu. Et Paul nous parle de lui. Na Paulo anatuzungumzia juu yake. Voici ce que Paul est en train de dire. Natazama ile ambayo Paulo que vous zemba soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mujazwe hadi kwa utele wote wa Mungu. Verset suivant. Shaili la kufuata. Or. Itapokuwa. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Oh, oh. Paul insinue l'idée de, après avoir compris tout ça, après avoir maîtrisé ce que je viens de vous expliquer, après avoir compris tout ce que nous avons parlé depuis le début de ce programme, ce que Dieu est, la gloire de Dieu, après avoir compris tout ça, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, kupitia uwezo unaotenda ndani mwetu, infiniment au-delà zaidi mno de tout ce que nous pouvons demander ou penser, yote ambayo tunaweza kuomba ama kufikiri. Avez-vous demandé? Je umeshaomba. Avez-vous pensé? Je umeshafikiri. Les dieux que nous appelons peuvent faire au-delà de ce que tu as écrit sur papier. Il peut faire au-delà de ce que tu es encore en train de penser. Mais faire comment? Infiniment. Dieu aime ce vocabulaire infini ensemble. Abraham, il a dit, je te bénirai à l'infini. Pourquoi tu aimes ce vocabulaire? Parce que Dieu dit, moi-même je suis infini. Donc quand je dois te bénir, je fais comment? J'utilise mes vocabulaires. Est-ce que quelqu'un va commencer à prier Dieu infini et Dieu comme ça? Est-ce que vous voyez? Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons pour 2020 et de ce que nous pensons pour 2020. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? À lui soit la gloire. En fait, comme il va faire infiniment, qu'est-ce qui reste? Qu'à lui soit la gloire. Où? Dans l'église. D'abord, dans l'église. Ensuite, en Jésus-Christ. Ensuite, dans toutes les générations, pour combien de temps? Au siècle des siècles. Le stock ne va pas s'épuiser. Il a demandé hier. Tu as demandé l'année passée. Tu as demandé il y a 10 ans. Il peut faire. En Jésus-Christ. Dans l'église. Dans chaque génération. Tu es dans une génération. Amen. Et au siècle de siècles, Dieu ne sera pas épuisé de toi. Dis à ton voisin, mon frère, dis-le avec colère. Dis que Dieu ne sera pas épuisé de toi. Essaye de mettre la somme de tes requêtes. C'est quoi devant Dieu? Devant Dieu comme ça. Acclame-le, acclame-le. Et puis tu te lèves, on va prier. Lève-toi, on va prier. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou ce que nous pensons. À lui la gloire. En Jésus-Christ. Dans l'église. Dans chaque génération. Et au siècle des siècles. Quelqu'un acclame très bien le Seigneur.